savez, je vais vous dire une chose. Vous savez comment que je gagnais des fois ma croûte? J'allais faire du porte-à-porte et je disais aux gens, voilà, je suis un repasseur de couteaux, de ciseaux, de ci, de ça. Et mon père ou mon frère, il est au bout du village avec la rémoulette, c'était pas vrai. Alors les gens me disent, bah, on a un couteau, on a un ciseau, bah, donnez, madame. J'allais avec un goulot de bouteille, je jure. Hein. Je repassais le ciseau tant bien que mal sur un truc de verre, sur un goulot de bouteille. Et quand je rendais le ciseau, je lui dis, écoutez, madame, faut pas vous en servir tout de suite parce que faut mettre un peu d'huile. Hein. Le ciseau, ben, j'en ai coupé, mais enfin, j'étais payé quand même. Ah, si, on s'est merdé par tous les moyens. Tout était bon. Ah, oui. Au rythme lent de l'escargot qui porte sa maison sur son dos, on y va de village en visage. Apporter notre mauvaise image. On a bien volé quelques poules pour que les langues se défoulent. Mais on tressait aussi des paniers, même qu'on rendait la monnaie. Vous appelez les voleurs de poules. Aujourd'hui je vis en appartement, mais avant je vivais dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais demain je vivrai dans le vent. Enfin réunis autour du feu, c'est là qu'on se sent heureux. Ensemble, ici c'est ailleurs, pour le pire et le meilleur. Un sillon n'a pas d'adresse, c'est pas faute de maladresse. De nulle part et de partout, faut-il toujours faire son trou. Aujourd'hui je vis en appartement, mais avant je vivais dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais demain je vivrai dans le vent. C'est la vérité, on volait les poules, oui c'est vrai. Moi spécialement j'en volais, moi. J'étais avec le sac de pommes de terre. Mais avant, je vivais dans le vent. Aujourd'hui, je vis en appartement, mais demain, je vivrai dans le vent. On a changé de protocole, nos enfants vont à l'école. On a gardé nos caractères, du sang chaud coule dans nos artères. On reste libre de nos choix, même si on porte notre croix. Dans le feuillage d'un être, le souvenir de nos ancêtres. Aujourd'hui je vis en appartement, mais avant je vivais dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais demain je vivrai dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais avant je vivais dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais demain je vivrai dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais avant je vivais dans le vent. Aujourd'hui je vis en appartement, mais demain je vivrai dans le vent. Alors, vous dites rien ?